Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, exploration d'un phénomène psychologique étrange et fascinant, le syndrome de Stockholm. C'est ainsi qu'on qualifie cette relation affective surprenante qui se tisse parfois entre un preneur d'otage et sa victime, un comportement paradoxal et bien souvent incompréhensible pour ceux qui ne l'ont jamais vécu. Ce mécanisme a été révélé au monde à l'occasion d'un hold-up retentissant qui s'est déroulé dans la torpeur de l'été 1973, à Stockholm précisément, d'où le nom de cette étrange réaction humaine. Entre les quatre murs de la banque Brakke, la terreur des otages a laissé place à des sentiments plus positifs, presque amicaux, et peu à peu, une petite communauté s'est soudée autour des deux gangsters. Finalement, la police a donné l'assaut, les quatre employés ont été libérés et les braqueurs envoyés en prison. D'abord, comment le braquage s'est-il déroulé? Et puis, quelles ont été les dynamiques créées entre braqueurs et braqués? Et surtout, quels sont les mécanismes psychologiques à l'œuvre qui peuvent conduire une victime à défendre son agresseur? Notre invité aujourd'hui, Michel Perard, dont le film documentaire intitulé « Otage » vient d'être diffusé sur Canal+. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Guillaume Ballandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le 23 août 1973, le soleil inonde la grande place Norrmalmstorg du centre-ville de Stockholm. À 10h tapante, un homme à l'accoutrement improbable traverse la place. Il porte des lunettes de soleil et une épaisse perruque châtain. Il marche, une main plongée dans son blouson, tenant dans l'autre un sac en toile. Et il entre ainsi dans la grande banque de Suède. À peine arrivé, il sort de son blouson une mitraillette. Il la brandit et tire dans le plafond. Une pluie de ciment et de verre s'abat sur les quelques clients présents à ce moment-là et la quarantaine d'employés de l'agence. Tous ceux qui sont proches de la sortie se précipitent dehors. Les autres se jettent au sol. Le gangster, lui, fanfaronne. La fête vient juste de commencer, dit-il. Dans son sac, il attrape un transistor radio qu'il allume. Le son d'un groupe de rock résonne entre les murs en marbre de la banque, un braquage presque festif, un casse pop pop pop. C'est alors que les yeux de l'homme se posent sur Christine, une jeune sténographe brune de 23 ans. Il extrait une corde de sa valise, puis l'attend un banquier effrayé qui se tient à côté. Le braqueur lui ordonne d'attacher les mains et les chevilles de la jeune femme. En quelques secondes, celle-ci se retrouve ligotée à terre. Puis, c'est au tour de deux autres employés de subir le même sort. Elisabeth, une caissière de 21 ans, et Birgitta, jeune mère de famille de 31 ans. Les trois femmes se contorsionnent sur le sol, puis se regardent. La peur se lit sur leur visage. Pas vraiment pop, tout ça. Alertées, de nombreuses unités de police prennent place autour du bâtiment. Les rues alentour sont bouclées. Dès qu'il entend les sirènes, le voyou tire en direction des forces de l'ordre. Il veut montrer sa détermination. Ensuite, il fait sortir tout le monde de la banque, excepté ses trois otages, et il ferme les issues. Suspense. À Stockholm, un gangster armé d'une mitraillette détient quatre otages dans une banque. La police cerne tout le quartier et quadrille l'aéroport international d'Arlande. Très vite, l'un des premiers policiers présents sur le lieu découvre l'existence d'une porte de service accessible depuis l'extérieur de la banque. Il remarque que cette porte mène au premier étage du bâtiment où se trouvent les bureaux de la direction. Les forces de l'ordre investissent donc ces bureaux, où ils constituent une cellule de crise quelques mètres au-dessus du gangster et de ses otages. L'escalier principal qui mène au rez-de-chaussée leur est désormais accessible, et les premières communications entre la police et le voyou s'effectuent dans la cage de cet escalier par cri interposé. Malgré son accoutrement, le braqueur est vite identifié. Il s'appelle Jan Rickolson. À 32 ans, c'est déjà un vieux briscard, bien connu des services de police, un perceur de coffre-fort notoire, en cavale, depuis plusieurs semaines. En bas de la cage d'escalier, Olson hurle au policier la liste de ses requêtes. Avant tout, il réclame 3 millions de couronnes, soit 300 000 euros d'aujourd'hui. Mais il exige aussi une voiture garée devant la banque et un avion prêt à décoller de l'aéroport. Jusque-là, classique. Mais plus surprenant, il demande qu'on libère un détenu de sa cellule et qu'on l'amène jusqu'à lui. Un certain Clark Olofsson, un truand chevronné de 26 ans, qui purge une peine de 6 ans pour braquage. La demande d'Olson est acceptée. On sort donc Clark de sa cellule avant de conduire au premier étage de la banque. Et il descend au rez-de-chaussée par le grand escalier et rejoint Olson. Clark reconnaît tout de suite le braqueur. Les deux hommes se sont rencontrés en détention. Aujourd'hui encore, le rôle de Clark dans toute cette opération reste flou. Était-il le complice d'Olson depuis le début ou ne savait-il rien du braquage, comme il a toujours clamé ? En tout cas, dès son arrivée, il devient le complice actif d'Olson et les deux hommes peuvent désormais se répartir les tâches. Ainsi, Clark effectue un repérage du rez-de-chaussée pour s'assurer que personne ne se cache dans un recoin. Une initiative qui porte ses fruits. Car derrière un meuble, il découvre un employé de 25 ans, recroquevillé. Il s'appelle Sven. Il est donc conduit jusqu'aux autres tâches. Les deux voyous doivent en gérer quatre maintenant. Christine, Elisabeth, Birgitta et Sven. Puis Olson demande à un inspecteur de police de jeter plusieurs sacs dans la cage d'escalier. Ils contiennent la moitié de la rançon, soit environ 150 000 euros. L'affaire d'otage de Stockholm, un gangster armé d'une mitraillette garde toujours quatre otages dans une banque. Le bandit a obtenu une rançon de près de 3 millions de francs et il demande maintenant un avion pour s'enfuir. La police suédoise cerne la banque et quadrille maintenant l'aéroport international d'Arlanda. C'est de là que le gangster veut décoller. Au rez-de-chaussée, les otages s'installent dans la salle des coffres à la demande d'Olson. C'est l'endroit idéal. Une chambre forte dépourvue de fenêtres, hors de portée des tirs éventuels de la police. Dans cette pièce de 14 mètres sur 3, d'imposantes armoires en acier enferment 600 coffres-forts. Il y a aussi des chaises et un téléphone. Le petit groupe apporte quelques couvertures et investit les lieux. À la tête des enquêteurs regroupés à l'étage, on trouve le commissaire Lindroth, un officier d'une cinquantaine d'années qui semble bien décidé à interpeller les braqueurs au plus vite. À cette époque, la police scandinave fait très peu usage de la violence, et les coups de feu sont rares. Hors de question que cela se termine dans un bain de sang, pas le genre de la maison en Suède. Dans la soirée, les employés sont autorisés à utiliser le téléphone pour rejoindre leur famille. Lorsque vient le tour de Birgitta, personne ne décroche. Sans nouvelles de ses enfants, la jeune femme fond en larmes. Alors, Olson, assis dans un fauteuil, la fait venir sur ses genoux pour la consoler. « Tout va bien se passer », lui dit-il. Il en est convaincu. Des années plus tard, Birgitta dira. « Le braqueur m'a dit que tout irait bien si seulement la police voulait bien s'en aller. J'étais à ce moment-là d'accord avec lui. Je me disais en effet que c'était la police qui m'empêchait de retrouver mes enfants. » Le braqueur me parlait tout doucement. Il m'a dit qu'il avait deux enfants lui aussi. Il ne les avait pas vus depuis des années à cause de sa vie criminelle. Mais il comprenait ce que je ressentais. En l'écoutant, j'ai pensé, et j'en suis toujours convaincue, que s'il avait su que j'étais mère, il ne m'aurait pas prise en otage. Finalement, chacun se trouve une place dans la salle des coffres pour y passer la nuit. Les deux voyous, eux, se relaient pour monter la garde. Au bout de quelques heures, Elisabeth est réveillée par la fraîcheur des lieux. Olson lui passe sa veste sur ses épaules. Par la suite, Elisabeth racontera l'événement. Yann, il était à la fois tendre et brutal. Je venais à peine de faire sa connaissance lorsque j'ai senti sa veste sur moi. Mais en fait, j'étais persuadée qu'il avait toujours été ainsi. Vendredi 24 août, lendemain du braquage. Le commissaire Lindroth veut s'assurer que les otages vont bien. Olson l'autorise donc à descendre jusqu'à eux, à condition qu'il soit seul. Les quatre otages sont alignés en bas des grands escaliers. Le fonctionnaire arrive et les inspecte, un par un. L'homme est surpris parce que tous manifestent une certaine hostilité à son égard. Le policier constate même qu'ils sont détendus, ces otages, et amicaux avec leurs ravisseurs. Quelques minutes plus tard, le policier remonte, rassuré et en même temps troublé. après-midi, quelques journalistes récupèrent le numéro de téléphone du rez-de-chaussée de la banque. Ils appellent et là, surprise, les otages déclarent qu'ils sont prêts à suivre Olson où qu'il aille. Ces échanges sont retransmis à la radio suédoise, comme cette conversation entre une otage et un journaliste. Il reste encore 4 personnes qui sont retenues en otage à l'intérieur de la banque. Un peu plus tôt dans la journée, j'ai été en contact téléphonique avec une des otages. J'ai pas du tout peur d'Olson et de l'autre gars. J'ai peur de la police, vous comprenez ça? Si on part avec eux, il y a un risque qu'ils nous tuent, mais ils feront pas ça. Je pense pas qu'ils font ça. Donc vous leur faites confiance? Je leur fais totalement confiance. Je fais le tour du monde avec eux sans hésiter. Croyez-le ou non, j'ai passé un bon moment avec eux. On a discuté et tout ça. La seule chose qu'on craint, c'est un assaut de la police. On en a une peur bleue. Les Suédois sont déconcertés, mais enfin, pourquoi l'otage est-elle si docile? Parle-t-elle sous la menace? Vu de l'extérieur, son étrange comportement est difficile à comprendre. Et ce n'est pas fini. Pour le moment, le rapport de force profite à Olson dans les négociations. La preuve, la voiture qu'il a demandée garée devant l'établissement. Problème, cependant. Le braqueur veut fuir avec Clark et les otages. Hors de question pour le commissaire Lindroth, qui ne veut pas faire courir le moindre risque aux employés. Au même moment, dans la salle des coffres, le ballet des conversations téléphoniques continue. À 17h, Christine, l'une des otages, prend une curieuse initiative. Elle appelle le premier ministre en personne, Olof Palme. Cet entretien, longtemps resté confidentiel, a été enregistré par la police. Extrait. Je suis très déçue, j'ai l'impression que vous jonglez avec nos vies. J'ai entièrement confiance en Clark et Olson. Je ne suis pas désespérée. Ils ne nous ont fait aucun mal, au contraire. Ils se sont montrés très gentils. Mais vous savez, ce dont j'ai peur, c'est que la police donne l'assaut et mette nos vies en péril. La police n'en fera rien. Je veux que vous nous laissiez partir avec le braqueur. Donnez-leur les devises et les deux armes et laissez-nous partir. Mais c'est impossible. Prenez la mesure de la situation. Ils ont braqué une banque et tiré sur la police. La police aurait tiré la première. Je n'ai pas du tout peur d'Olson. Je veux partir avec lui et ni vous ni personne n'en serait tenu pour responsable. Je l'ai dit à la radio aujourd'hui. Toute la Suède sait que nous voulons partir avec Clark et Olson. Je leur fais confiance. Je sais qu'ils nous laisseront partir tant que la police ne les poursuit pas. Vous ne subirez aucune violence de la part des autorités. Et je suis censée le croire? Ils nous mentent sans arrêt. Ils ont prétendu qu'ils ne s'infiltreraient pas dans la banque, mais en faisant sa ronde, Clark a repéré des policiers en plusieurs endroits. Si la police donne l'assaut, il tirera, et alors tout le monde tirera, et plus personne n'aura une chance de survivre. Si nous restons ici, je finirai par mourir. Mais nous sommes nécessairement une société régie par les lois. Personne n'a le droit d'employer la violence. Bien sûr, personne n'en a le droit, mais il y a une exception pour chaque règle, non? Si vous vous trouviez dans ma situation et que j'étais Premier ministre, eh bien merde alors. Vous seriez en train de m'appeler et de me demander la même chose. Mais pourquoi les otages sont-ils aussi méfiants envers les forces de police? Ont-ils été convertis par les braqueurs? Ou pensent-ils sincèrement qu'ils sont en sécurité avec eux et que le vrai danger, en vérité, c'est la police? Autour de 22h, dans la salle des coffres, les otages s'endorment. Au petit matin du samedi 25 août, un policier prend une initiative audacieuse. Il descend l'escalier sur la pointe des pieds en tenant une perche en bois d'1,50 m terminée par un crochet. Doucement, il s'approche de la chambre forte, il cale ensuite le crochet dans la poignée, puis avec son bâton, il tire d'un coup sec la lourde porte et dans la salle, tout le monde se réveille en sursaut. Comme il est impossible d'ouvrir depuis l'intérieur, les ravisseurs et les otages sont piégés, enfermés. Et là, l'événement prend une nouvelle tournure et le rapport de force bascule. Avec le confinement, la police dispose d'une plus grande marge de manœuvre et peut désormais accéder au rez-de-chaussée de la banque qui entoure la chambre forte. D'ailleurs, le commissaire Lindroth renonce à toute tentative de négociation et il fait couper la ligne téléphonique. Dans la salle des coffres, on s'organise pour retarder l'assaut. Olson barricade la porte intérieure avec des armoires et des coffres-forts. La plus grande angoisse du voyou, ce sont les gaz lacrymogènes. Selon lui, si on les respire plus de 15 minutes, les vapeurs atteignent le cerveau et causent des dommages irréversibles. De son côté, le commissaire Lindroth est optimiste. Il peut organiser un plan d'attaque. Son idée est simple, bien que la symbolique soit violente. Utiliser justement les gaz lacrymaux. Il faut donc percer les trous dans le plafond pour que les gaz s'échappent. Percer, oui, mais pas n'importe où. Il faut d'abord mettre la main sur les plans de la banque. Les policiers se lancent alors à la recherche des documents. Au même moment, à l'extérieur du bâtiment, un journaliste de la télé suédoise tente de glaner quelques nouvelles auprès d'un lieutenant du commissaire Lindroth, visiblement soucieux de ne faire fuiter aucune information. Il semblerait que les braqueurs ont proféré de sérieuses menaces contre les employés de la banque. Vous pouvez nous en parler ? Non. Est-il vrai que vous allez bientôt... Je ne peux vraiment pas vous répondre, ça impliquerait trop de choses. C'est vraiment mieux comme ça. Alors que dehors, la police prépare discrètement son plan d'attaque, dans la salle des coffres, l'atmosphère est étouffante. Olson paraît nerveux et ne se sépare plus de sa mitraillette. Les otages, eux, restent silencieux. Et la radio est constamment allumée au cas où une information serait dévoilée. Pourtant, malgré le cloisonnement, le groupe ne se déchire pas. Au contraire, de véritables sentiments de sympathie se développent entre les otages, mais aussi avec les ravisseurs. Christine et Elisabeth, par exemple, se cramponnent souvent l'une à l'autre. Christine reste impassible alors qu'Elisabeth sanglote doucement. Olson, lui, retrouve son calme et veille au bien-être de ses victimes. Oui, il sèche les larmes d'Elisabeth et offre une balle de sa mitraillette à Christine. Étrange cadeau, mais chaque marque de gentillesse de sa part renforce son autorité et la promiscuité créée par la situation facilite les rapprochements. Ainsi, Christine et Clark se tiennent parfois la main. Des années plus tard, Christine se souviendra. Ça peut sembler cliché, mais il s'est montré tendre avec moi, oui. Et oui, nous nous sommes tenus par la main, mais il n'y a pas eu de sexe. Ça m'a beaucoup rassuré, dit-elle. À l'intérieur de la salle, l'ambiance est donc plutôt sereine, si je puis dire. Mais devant la banque, c'est tout le contraire. Les caméras de téléphone pied de grue, les policiers grouillent et le braquage occupe les esprits de nombreux Suédois. Ce samedi 25 août 73, deux jours après le début du hold-up, le pays retient son souffle. Le standard de la police explose et les suggestions des téléspectateurs pleuvent. Elles proviennent surtout de la part de vieilles dames. L'une d'elles, par exemple, est convaincue qu'un récital de chants religieux interprété par un chœur de l'armée du salut vaincra la résistance du braqueur. Mielleuse, une autre préconise d'introduire des abeilles dans le système d'aération. Les Suédois sont loin d'imaginer à quel point l'ambiance dans la salle des coffres est détendue. Otages et preneurs d'otages trompent l'ennui et parfois même s'amusent. En fin d'après-midi, alors que la radio diffuse de la musique, Olson exécute quelques pas de danse, affichant un large sourire. Il joue ensuite au morpion avec Elisabeth. En début de soirée, une discussion passionnée s'engage. Aux otages réunis autour de lui, le voyou raconte l'ennui mortel de la détention et son aversion à mener une existence normale. Et le petit public du malfaiteur compatit. Le lien affectif qui unit les occupants se renforce. Le samedi 25 août au soir, les femmes otages demandent aux policiers de l'autre côté du mur si le téléphone peut être rebranché pour qu'elles puissent appeler leur famille. Les autorités refusent. Clark note sur un papier leur réaction. Les filles veulent désespérément entrer en contact avec leur famille. Un policier avait promis que tout le monde pourrait recevoir un appel d'un proche. Bien sûr, il a menti comme d'habitude. Les filles commencent à croire que la police a l'intention de les sacrifier et ne cherchent qu'une excuse pour justifier ensuite le massacre. Elles pensent que la police fera en sorte que nous déclenchions nous-mêmes les hostilités afin d'agir en légitime défense et de pouvoir déplorer ensuite la mort de toutes les personnes présentes. Les filles en sont convaincues, car il ne faudrait en aucun cas qu'elles puissent parler à leurs proches et leur faire part de la façon dont la police joue avec leur vie. Tout le monde ici est calme. En fait, tant que la police nous laisse tranquilles, nous sommes même plutôt à l'aise. À l'aise, c'est peu de dire. Le groupe semble presque heureux. Enjoué, Clark fredonne la mélodie du tube de 1973 chantée par Roberta Flack, Killing Me Softly with a Song. La chanson se grave dans l'esprit des otages. Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly. came to see him to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my fate with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song. Samedi 25 août 1973, au soir, à Stockholm, cela fait bientôt trois jours que quatre otages sont retenus par un braqueur et son complice dans la chambre forte d'une banque. À l'étage, juste au-dessus, le commissaire Linroth reçoit enfin les plans d'établissement. Bientôt, il pourra lancer les opérations de forage du plafond. L'idée est donc d'inonder la pièce de gaz et de faire sortir de force les occupants. Les otages, eux, sont pris en étau. Birgitta, l'une d'entre elles, livrera quelques années plus tard son analyse. Nous devions composer avec deux menaces, ce qui en faisait une de trop. Devant celle du braqueur, nous étions impuissants. Il était armé et nous étions à ses côtés. Nous n'étions pas du côté de la police. Ce qui du coup signifiait, bien sûr, s'allier avec Olson et non avec la police. La proximité physique, la durée du siège et la menace policière ont donc permis un rapprochement entre les otages et les braqueurs. Dans la salle des coffres, le groupe s'endort vers 22h. Et pour la première fois depuis le début du siège, les deux bandits, Olson et Clark, s'endorment simultanément. Les otages s'assoupissent aussi, tous sauf Christine, qui reste éveillée un peu plus longtemps que tout le monde. Des années plus tard, elle se souviendra de ce moment si particulier. Nous étions comme des papillons de nuit, fatigués. Dans son fauteuil, le braqueur ronflait, mais doucement. Elisabeth se trouvait près de lui. Clark dormait loin de moi. Il semblait si paisible qu'on avait du mal à croire qu'il s'agissait d'un criminel. Quelque part, au fond du coffre, Sven avait un sommeil agité, tout comme Birgitta. Seul le souffle de mes compagnons de fortune venait troubler le silence de la pièce. Pendant une minute ou deux, le rythme de leur respiration est devenu synchrone. J'ai aussitôt accordé la mienne à la cadence de la leur. C'était notre univers. Nous nous trouvions dans la chambre forte pour respirer ensemble, pour survivre. Quiconque menaçait cet univers devenait notre ennemi. Dans son sommeil, une autre otage, Birgitta, fait un rêve. Je me trouvais derrière un escalier à l'opéra. Je portais une robe du XVIIe siècle, comme les gens qui m'entouraient. Partout où je posais les yeux, j'apercevais des amis, des membres de ma famille et des camarades d'école que je n'avais pas revus depuis mon enfance. Je suis sortie et devant moi se trouvait un carrosse doré tiré par des chevaux. J'ai cru distinguer mes deux filles assises à l'intérieur qui m'attendaient. Puis la perceuse m'a réveillée. En effet, un peu avant 23h, Linroth lance les opérations de forage. De bruits stridents des machines envahissent la salle des coffres et réveillent le groupe. Quelques mètres plus bas, les six occupants assistent à la scène impuissants. Pour Olson, des représailles s'imposent. Il pose une charge explosive dans une gaine d'aération et de violentes détonations secouent l'immeuble. Le braqueur veut faire la démonstration de sa détermination et ça fonctionne, car les policiers arrêtent leur forage. Mais le silence qui suit semble exciter Olson. Il se pavane dans la salle des coffres, l'air victorieux. Au bout de quelques minutes, les policiers se remettent au travail, utilisant cette fois un puissant jet d'eau pour refroidir le forêt. L'eau ruisselle et vient tremper la moquette et les couvertures. 2 heures plus tard, un premier trou est creusé, tout de suite recouvert d'une plaque de plexiglas destinée à protéger les agents de tirs éventuels. En bas, les otages pensent que la riposte de la police est imminente. Olson, lui, ne veut toujours pas abandonner. Il durcit le ton et adopte une nouvelle stratégie. Ainsi, le braqueur oblige tout le monde à se nouer une corde autour du cou qu'il attache aux armoires. Si le gaz est diffusé, les occupants s'évanouiront et seront étranglés. Face à cette menace, la police interrompt le forage. Et une longue attente démarre, une véritable guerre d'usure. Les occupants de la salle des coffres doivent rester debout des heures durant. Le commissaire Linroth est convaincu qu'Olson finira par céder, mais le braqueur est teigneux et surtout, aucun otage ne se révolte. Finalement, à 3 heures du matin, l'officier prend congé et rentre chez lui. Il donne rendez-vous à ses lieutenants pour le lendemain. Après leur départ, Olson consent à ce que les otages retirent leurs cordes. Ensuite, tout le monde avale quelques sandwichs que la police a fait descendre par l'un des trous dans le plafond. Et tout le monde s'endort pour une troisième nuit dans la chambre forte. Après plus de 2 jours d'attente, les policiers ont décidé de changer leur méthode. Centimètre par centimètre, ils se rapprochent autant qu'il leur est possible de la salle des coffres. Le bandit et son ancien complice, libérés spécialement pour servir d'intermédiaire, y sont enfermés avec les otages, et ce depuis que la police a investi le hall de la banque ce matin. Policiers et malfaiteurs séparés par la porte blindée de la chambre forte restent en contact par téléphone, mais les positions n'ont pas changé. L'auteur du hold-up, outre une rançon de 3 millions de francs qui lui a déjà été remise, réclame la possibilité de fuir avec ses otages. C'est ce dernier point que refuse la police. Hier, le bandit déclarait tranquillement « Tout cela est de la faute de la police qui m'a empêché de faire mon travail ». Mais aujourd'hui, au dire des policiers, son attitude aurait changé. Dimanche 26 août, 3 jours après le début du braquage, Linroth et ses lieutenants se réunissent à l'étage de la banque. Différents problèmes tactiques sont résolus. Pour la dispersion du gaz, on choisit les bombes à aérosol et on décide que 7 trous dans le plafond seront nécessaires. Il faut donc rapidement en creuser 6 nouveaux. Dans la journée, les opérations de forage reprennent. L'eau se répand en abondance dans la salle en contrebas. Un deuxième orifice est percé, puis un troisième. Mais la principale question des forces de l'ordre reste entière. Olson serait-il capable de tuer des otages s'il se retrouvait acculé ? Le lendemain, lundi 27 août, de nouveaux trous sont percés et l'eau continue de monter. Les occupants sont de plus en plus silencieux. Étendu sur une table, Olson lui semble exténué. À l'étage, la police précise son plan d'assaut. Une unité désignée pour administrer le gaz et 3 volontaires se tiennent devant la porte, prêts à affronter Olson et Clark. Des équipes médicales sont prévenues et des ambulances se postent autour de la banque, prêtes à recevoir des blessés éventuels. Mardi 28, les policiers achèvent les derniers préparatifs avant l'assaut. Dans l'après-midi, ils coupent la lumière de la salle des coffres. Cette fois, Olson ne proteste pas. Vers 21h, les 7 trous sont enfin creusés. Alors, dans l'obscurité silencieuse de la salle, les occupants savent parfaitement ce qui les attend. Quelques minutes plus tard, le gaz s'immisce sans un bruit et vient brûler les yeux et les narines des occupants. L'un d'entre eux, Sven, se souvient. Il régnait une grande confusion. Nous étions tous couchés au sol, trempés, les yeux douloureux, à suffoquer et à vomir, en quête d'air. Olson a hurlé, on se rend, laissez-nous sortir. Derrière la porte, les policiers ordonnent au braqueur de démonter sa barricade pour qu'il puisse ouvrir la porte. Terrifié à l'idée de perdre la tête à cause des gaz, Olson retire avec fougue les coffres et les armoires. Les inspecteurs peuvent finalement pousser la porte et ils se retrouvent nez à nez avec le braqueur. Arme à la main, les policiers lui somment de laisser passer les otages. Or, à la grande surprise des fonctionnaires, personne n'esquisse le moindre mouvement. Les otages refusent d'être secourus. Christine exige Colson et Clark passent les premiers de peur qu'ils soient abattus. D'abord troublés, les policiers finissent par obéir. Ils assistent ensuite à une scène tout aussi saugrenue. Avant de quitter la pièce, les fugitifs et les otages se prennent dans les bras et se disent au revoir chaleureusement. Finalement, les bandits, puis les employés de la banque, sortent de la chambre forte. Olson et Clark sont menottés alors que les otages sont dirigés vers les ambulances. Voilà, le siège est terminé, le commissaire Linrod jubile et les médias du monde entier s'empressent de diffuser la nouvelle. Heure par heure, jour et nuit, les Suédois ont vécu ce cauchemar en direct grâce à la radio et à la télévision. Et hier soir, vers 21h15, les deux chaînes de télévision suédoises simultanément interrompaient leurs programmes respectifs. L'assaut final a été donné sous le code d'opération « Allumer la lumière ». Dans les deux minutes qui suivent, c'est la fin d'un cauchemar. À 21h05, les gaz lacrymogènes étaient projetés dans la salle des coffres par les orifices opérés dans le plafond. 21h30, le commissaire principal sort en courant et écrit aux 300 journalistes massés sur la place et aux abords de la banque « Ça y est, c'est fini, ils ont capitulé ». C'est aussitôt un énorme applaudissement spontané. Puis Jan Erik Olsson, menotté avec son complice Clark Olofsson, sort sous les sifflets vindicatifs de la foule. Les otages partent les premiers vers l'hôpital de Sabbatsberg et ils sont ce matin paraît-il alités, mais leur état est toujours satisfaisant. Dans les semaines qui suivent, les six membres du groupe sont interrogés par le psychiatre Nils Bejerotte. Rapidement, celui-ci remarque qu'aucun des otages ne condamne véritablement les actes d'Olson et de Clark. Le médecin constate même qu'un sentiment de sympathie réciproque est né, oui, un vrai. Grâce à ces témoignages, Nils Bejerotte définit les contours de ce qu'il appelle alors le syndrome de Stockholm. Il s'agit d'une réaction émotionnelle capable de se manifester chez un individu structuré mais sans défense, dont la vie dépend complètement d'un agresseur. Selon le médecin, plus le rapport de force est prolongé, plus il est possible de voir émerger un courant affectif et réciproque entre une victime et son bourreau, surtout si ce dernier est capable d'expliquer ou de justifier son acte à sa victime. Le syndrome de Stockholm est donc un réflexe d'autodéfense, un geste de survie. Selon le docteur Bejerotte, les quatre otages, Birgitta, Elisabeth, Christine et Sven, ont essayé de se protéger des dangers que représentait Olson en attirant sa sympathie et en mettant parfois de côté certaines de leurs valeurs. Leur hostilité croissante envers les forces de l'ordre a solidifié le groupe autour de la figure d'autorité que représentait alors Olson, et ce jusqu'au dénouement de la crise, le 28 août 1973. Après le siège de la banque, Olson et Clark retournent en prison, bien sûr, et comme prévu. Si je puis dire, lors du procès, les anciens otages refusent de témoigner contre leurs ravisseurs. Olson est tout de même condamné à 10 ans de prison. Clark, de son côté, est acquitté, mais retourne purger la fin de sa peine. Dans les années qui suivent, les otages viennent parfois leur rendre visite. Aujourd'hui, tous les membres du groupe mènent des vies paisibles. Lors d'un entretien avec la BBC en 2013, Olson déclare « Tout ça, c'est de la faute des otages. Ils ont fait tout ce que je leur ai demandé de faire. S'ils n'avaient pas obéi, je ne serais pas ici maintenant. Hein? Pourquoi ne m'ont-ils pas attaqué ? Ils m'ont rendu la tâche difficile. Ils nous ont permis de vivre ensemble. Jour après jour, il n'y avait rien d'autre à faire que d'apprendre à se connaître. » Le syndrome de Stockholm, c'est donc ça, mieux se connaître pour éviter de s'entretuer, remettre de l'ordre et du sens à une situation qui en est au départ totalement dépourvue. Stuck inside these four walls, sent inside forever. Seeing no one dies again like you, Mama, you, Mama, you. We'll be right back. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le syndrome de Stockholm avec notre invité Michel Perard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur, ancien grand reporter. Votre documentaire co-réalisé avec Damien Vercamer, Otage, vient d'être diffusé sur Canal+. C'est une plongée hallucinante dans l'enfer de la captivité. Un très beau film centré sur la parole de 7 anciens otages. Hein, pas de voix off, pas de parole d'expert. Le film est disponible en streaming sur MyCanal. On vient de parler de ce fameux syndrome de Stockholm. Pour ne pas se tromper de partition et par respect pour tous ceux qui ont souffert en tant qu'otage, il faut rappeler quand même que c'est probablement pas le cas le plus répandu, que être otage, c'est d'abord de l'angoisse, de la souffrance, parfois de la panique, et c'est bien légitime. Oui, d'abord, la prévalence du syndrome de Stockholm est quasiment nulle dans les prises d'otages. Ensuite, lorsque Niels Bejerot invente ce terme de syndrome de Stockholm, il le fait dans un cadre très précis, celui d'une prise d'otage criminelle, avec un braqueur de banque plutôt sympathique. Aujourd'hui, on se réfère plutôt aux prises d'otage politiques, avec des groupes terroristes, avec des mouvements armés qui n'ont pas le charme d'un braqueur de banque, et avec des geôliers qui ont pour souci de briser la volonté, le désir de survie même de l'otage. Donc, il serait difficile pour eux d'adhérer aux thèses des preneurs d'otages. Oui. Alors, le syndrome de Stockholm n'en a pas moins existé, peut-être même plusieurs fois. On y reviendra plus tard. Je voudrais qu'on parle de votre documentaire. Quel a été le point de départ de votre film et quelle était votre intention éditoriale? D'abord, j'ai toujours pensé que c'est une expérience extrême de survie, de stratégie de survie, de gestion du stress. Ensuite, il m'a toujours paru qu'il y avait une profonde injustice dans la narration d'une prise d'otage. Par définition, lorsque eux-mêmes sont détenus, ils peuvent pas raconter ce qui leur arrive. Lorsqu'ils sont libérés, c'est des scènes qu'on connaît, qui se déroulent généralement à Villacoublay en France, avec le président, l'otage apparaît, les lumières, les flashs, etc. C'est presque un rituel, hein. C'est presque ritualisé. C'est ritualisé à Ession. Mais l'otage est pas prêt à ce moment-là. Il est en état de sidération. Il sort d'un trou, d'une jungle, d'un désert, et brusquement il est projeté sous le feu des caméras. Il n'est pas prêt à reprendre la parole, il n'a pas de récit structuré. Et en fait, après des mois, parfois des années, il a enfin construit son récit, il s'est approprié son propre récit, on l'écoute plus, on est passé souvent à autre chose, parfois à une autre prise d'otage. Donc ce temps de latence était nécessaire et je voulais les écouter, non pas dans une narration chronologique, ce qui s'est passé, ce qui m'est arrivé, mais quel est le ressenti, qu'est-ce que c'est être otage, comment est-ce qu'on gère l'arbitraire, la violence des geôliers, la proximité de la mort, puisque la mort se joue fréquemment dans une prise d'otage. Comment est-ce qu'on gère d'autres détenus quand ils sont en groupe, ou alors la solitude? Comment est-ce qu'on gère l'angoisse pour les familles? Parce que très souvent, ils sont beaucoup plus inquiets pour l'extérieur qu'ils le sont pour eux-mêmes. C'est parce vrai. Que eux sont dans une situation qu'ils gèrent, qu'ils contrôlent. Mais l'extérieur, ils n'ont pas de nouvelles, ils ne savent pas. Et puis, évidemment, c'est extrêmement angoissant. Et puis il y a ce que j'appelle le luxe de l'otage, c'est-à-dire les projets d'évasion. Tous les otages rêvent de s'évader. C'est peut-être l'occasion pour eux de penser qu'ils ont encore un libre arbitre. Oui. Alors, peut le mettre à exécution, ce projet-là, mais tous y pensent, ils y passent des nuits et des jours, et ils passent évidemment des jours et des nuits à trouver des stratégies pour faire passer le temps, parce qu'il y a une sorte de temps immuable, le temps se fige, et donc il faut faire passer le temps en conservant l'espoir. Alors justement, comment ils gèrent le manque d'échéance? Parce que par définition, vous êtes pris en otage, on vous dit pas, en principe, on va vous libérer après-demain. Donc ça peut durer une éternité. Ça, c'est un élément d'angoisse énorme, j'imagine. Enfin, c'est la grande différence avec le prisonnier. Le prisonnier, il sait pourquoi il a été arrêté. Il est dans l'attente d'un jugement. Très souvent, il y a une instruction. Et puis, il va être condamné et sa peine est connue. Sa peine a une finalité. L'otage, c'est pas ça. Et tous le disent d'ailleurs. Je pense notamment aux otages colombiens, puisqu'en Colombie, il y a eu énormément de prises d'otages, les FARC, qui disaient aux FARC, mais lorsque l'un d'entre vous est arrêté, par les militaires colombiens. Il est jugé et puis il est condamné à 10, 20 ans de prison. Nous, on ne sait pas combien de temps on va rester encore. Et certains d'entre eux, l'un d'entre eux, Oscar Tulio Liscano, qui figure dans le film, a été otage pendant 8 ans et 3 mois. Une éternité. Une éternité. Donc, cette absence d'échéance, c'est quelque chose qui les mine profondément. Est-ce que l'une des grandes problématiques de tous les otages, c'est de créer ou non des liens avec les ravisseurs? Parce qu'après tout, ça peut aussi, l'espoir peut aussi passer par là. Mais le danger également. Tous les otages tentent de créer des liens avec les ravisseurs. C'est le principe. Passer le choc, le trauma de la capture, parce que la capture est très souvent très violente. Il faut tenter de nouer des liens avec les ravisseurs. Il y a plusieurs éléments qui sont en jeu. Leurs conditions de détention, mais aussi leur propre survie. Donc, ils passent effectivement beaucoup de temps à tenter d'approcher les ravisseurs. C'est plus tard que va se poser un choix. Et ça, c'est un élément récurrent. Grosso modo, on pourrait schématiser en disant qu'il y a deux formes d'attitude. D'un côté, ceux qui vont résister, c'est une forme de résistance passive, pour tenter de grappiller des avantages, pour tester aussi la patience des geôliers. Et puis, ceux qui sont plutôt dans la soumission, parce qu'ils estiment que toute tentative de révolte met les autres en danger. Et ça, c'est quelque chose qui est très flagrant lorsqu'ils sont plusieurs dans les groupes. On sait notamment que le groupe, ce qu'on a appelé l'usine à otages de Raqqa, où se trouvaient les otages occidentaux de Daesh, avec plus de 20 otages, une dizaine de nationalités. Il y a eu des scissions comme ça, il y a eu des frictions sur la stratégie à adopter. Est-ce qu'on est dans la résistance? Est-ce qu'on est dans la soumission? Et c'est la même chose en Colombie. En Colombie, on connaît tous Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt a tenté de s'évader plusieurs fois en Colombie. Eh bien, le groupe d'otages, à un moment donné, ils étaient 60 politiques ou militaires, un groupe de 60 otages. Les autres otages, beaucoup d'entre eux, lui reprochaient ces tentatives d'évasion parce qu'il les mettait en danger. Mmh. Donc c'est toujours cette appréhension de ce qu'on peut faire ou ne pas faire qui va créer les schismes dans les groupes. J'imagine que une différence énorme s'exprime ou se fait vivre quand on est otage, selon qu'on est pris tout seul en otage quelque part ou avec un confrère, c'est des journalistes par exemple. Ça change considérablement le fait d'être pris en otage à plusieurs ou seul. Alors dans le film, il y a un cas particulier, c'est un otage américain qui a été kidnappé seul dans un premier temps en Syrie par non pas par Daesh mais par Al-Qaïda, donc le front Al-Nusra, et qui est resté pendant 6 mois seul en détention dans une geôle, dans plusieurs geôles, parce qu'on imagine toujours une geôle, mais non, les otages bougent beaucoup, ils bougent en permanence. Transbahutés parfois et souvent dans les coffres de voiture, ce qui est bien traumatisant. Si ou alors, quand ils sont en Amazonie, dans la jungle, je parle de la Colombie, ils marchent, et lorsque je posais la question à l'un d'entre eux, combien de campements avez-vous fait, celui qui est resté 8 ans, il m'a dit 2000 campements. Ouais. Donc ça signifie qu'ils marchent pratiquement tous les jours. Et donc, pour revenir à cet otage américain, il est seul pendant 6 mois et il voit arriver à un moment donné un autre otage américain lui aussi, qui vient de New York, comme lui, et il est très heureux. Il se dit, je vais pouvoir... La première nuit, d'ailleurs, ils passent leur temps à échanger, à se raconter. Et puis, ça va dégénérer très vite, parce qu'il y a des différences, justement, de comportement à avoir vis-à-vis des geôliers. Le deuxième otage va notamment se convertir à l'islam, ce que le premier refuse de faire. Et ça va créer des dissensions. Le second, estimant que ce refus les mettait en danger tous les deux. Et donc, ces frictions vont trouver un paroxysme avec une évasion qu'ils ont préparée tous les deux, mais le second otage va s'évader seul, finalement, sans aider son camarade. Donc, otage à plusieurs, oui, mais l'enfer, ça peut être l'autre aussi. Ouais. Et ça arrive fréquemment, je vous dis, dans les groupes, c'est souvent... beaucoup d'entre eux disent « j'aurais préféré, finalement, être seul ». Est-ce que les otages, qui sont par définition innocents par rapport aux guerres qu'ils couvrent, sont considérés ou se sont-ils sentis considérés par leurs geôliers comme des ennemis ou au contraire comme des personnes utiles en tant qu'otages? Alors, innocent, vous avez raison, c'est la notion fondamentale de l'otage. C'est-à-dire s'il y a un soupçon de collusion de l'otage avec ses geôliers, et là on revient au syndrome de Stockholm, effectivement l'otage perd de sa valeur, entre guillemets, aux yeux des opinions occidentales ou des opinions de son propre pays. Donc ce qui est important, c'est effectivement... ça, c'est-à-dire ils considèrent eux-mêmes qu'ils sont finalement des marchandises. Ils ont des débats souvent avec les geôliers et que finalement ils ont une marchandise tant qu'ils ont un prix. Ce prix, c'est notamment le rôle des ce qu'on appelle les preuves de vie, donc ces petites vidéos tournées par tous les groupes qui de ravisseurs qui montrent que l'otage est toujours négociable, c'est-à-dire il est toujours, si j'ose dire, en bon état, il va bien, il est amaigri, mais en même temps il y a toujours une sorte de mise en scène autour de la preuve de vie, c'est-à-dire il faut qu'il soit en bon état, mais en même temps qu'on prenne la mesure de sa détresse, son malheur. Donc effectivement, ce sont des marchandises. Il peut arriver que dans le groupe des ravisseurs, les groupes ne sont pas monolithiques. Il y ait des preneurs d'otages qui soient plus sympathiques, plus ouverts à la discussion. Et donc il y a des échanges. Certains d'entre eux disent j'ai beaucoup appris sur l'islam, sur les différentes fractions qui étaient en lutte en Syrie notamment. C'est une question d'appréhension d'une réalité et naturellement cela dépend beaucoup des personnalités aussi. Oui, de part et d'autre. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que ça peut déboucher parfois par un simulacre de connivence avec le ravisseur? Est-ce que ça peut être une stratégie, ça, le faux syndrome de Stockholm? Et beaucoup d'entre eux, on parlait de conversion tout à l'heure. Je vais vous faire une fausse révélation. La plupart des otages occidentaux en Syrie comme en Afrique, au Maghreb, donc otages d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, se sont convertis. Ce sont des conversions momentanées qui sont destinées, effectivement, ça fait partie de l'ensemble des stratégies de survie, à attirer éventuellement la sympathie. Certains sont sincères. Il y a un otage sud-africain qui s'appelle Stephen McGowan, qui a été otage d'ACMI pendant 6 ans, qui est sorti, qui a été libéré il y a 2 ans, et qui est resté musulman, qui explique que effectivement, il avait été convaincu par l'islam. Mais pour la plupart d'entre eux, c'est effectivement une stratégie qui fonctionne d'ailleurs rarement, puisque les djihadistes ne sont pas dupes et ils sont même embarrassés par les conversions. Et je crois que le summum de la stratégie, c'est un journaliste britannique qui s'appelle dont le nom m'échappe maintenant, mais je... Matt Shearer, non? Non, qui s'appelle John Cantley. Ah, d'accord. John Cantley a été pris en otage en Syrie en 2012. Les autorités britanniques ont annoncé tout récemment, il y a quelques semaines, qu'il était peut-être encore en vie, alors que tous les otages britanniques et américains ont été exécutés par Daesh. Et en fait, on a des témoignages, notamment d'ex-otages français maintenant, qui disent que John a fait un choix de stratège. C'est-à-dire, il savait que son pays n'allait pas négocier. Et donc, il est devenu, en quelque sorte, le reporter de Daesh. On l'a vu apparaître dans des vidéos commentant la prise de Kobané par l'État islamique notamment. Avec tous les codes journalistiques, on a l'impression d'un reportage de la BBC. Mais en fait, c'est une stratégie de survie. Il n'avait aucune chance de survivre en tant qu'otage, littéralement otage. Oui. Mais peut-être avait-il une chance de collaborer d'une certaine manière avec ses ravisseurs. A-t-on parfois relevé ce qui serait un étrange phénomène, mais pourquoi pas, le fait d'un durcissement des geôliers et d'une intention de surtout pas s'attacher au cas où un jour ils auraient à les exécuter? Je crois qu'il y a ce durcissement, du moins une méthode brutale des geôliers, surtout dans les premiers jours de la prise d'otage, elle est destinée effectivement, elle a 2 effets. Le premier effet, c'est de briser toute résistance. Il faut absolument que l'otage soit soumis. Le deuxième effet, effectivement, il y a cette volonté. On sait que l'otage est une marchandise, donc pour certains d'entre eux, il ne faut pas s'attacher à l'otage. Il faut qu'il reste ce statut de marchand. On va écouter une archive ensemble. Il s'agit de Didier Kremniter, psychiatre, qui parle au micro de France Culture en 2010. Je reviens au syndrome de Stockholm. Il parle du changement provoqué chez l'individu victime du syndrome de Stockholm. Ce qui a été intéressant aussi dans les descriptions plus récentes du syndrome de Stockholm, les auteurs français, les médecins militaires comme Louis Croc ont beaucoup insisté aussi sur non seulement le lien affectif, mais le lien au sens d'adhésion aux thèses et à ce changement radical au niveau des repères cognitif, au neuro-repère de la connaissance. Voilà, c'était une dernière considération sur le syndrome de Stockholm qui, on l'a compris, n'est pas le cas le plus répandu dans des prises d'otages. Dans votre film, ce qui frappe, entre autres, c'est la puissance, la force qu'on peut avoir en chacun de nous pour tromper la solitude ou la peur. Pierre Borghi, par exemple, otage des talibans, hein, c'est ça, a été détenu seul dans un trou dans lequel il ne pouvait ni s'allonger ni s'asseoir pendant 4 mois et demi. C'est digne des supplices du Moyen-Âge. Enfin, ça, c'est un truc terrible. Quelle est la force qui pousse les êtres humains comme ça à développer en eux-mêmes des capacités qu'ils ne soupçonnaient pas? On vous les a expliquées. Vous avez réussi à explorer ce territoire-là psychologique. Ils expliquent eux-mêmes avoir été extrêmement surpris d'avoir eu cette force-là. Pierre, effectivement, détenu dans des conditions affreuses. Parce que non seulement il est détenu dans un trou, mais il est détenu dans l'obscurité, c'est-à-dire il en vient à se bander les yeux pour ne pas voir le noir et pas chercher un point lumineux. Mais je pense notamment à Clara Rojas qui a été donc otage des FARC, kidnappée en même temps qu'Ingrid Betancourt, qui est restée donc 6 ans otage, et qui raconte qu'elle était une fille de la ville, une fille de la bonne bourgeoisie de Bogota, pas du tout rompue aux marches en Amazonie, aux animaux. On peut imaginer la faune qu'on peut trouver en Amazonie, les serpents, les araignées, etc. Et je me suis surpris moi-même à aller chercher au fond de moi quelque chose dont j'ignorais que ça pouvait exister. J'ai eu la force de tenir, j'ai eu la force de marcher, de soutenir ces marches interminables. Parfois, il y a eu un épisode où ils ont marché pendant 6 mois de suite. Et en fait, ils n'ont pas le choix, c'est-à-dire il faut pas renoncer, il faut maintenir cette volonté tendue au maximum, parce qu'il y a toujours l'idée qu'un jour ça peut se terminer, c'est-à-dire tous, la majorité d'entre eux expliquent aussi que ils perdent pas l'espoir. Ils ont des moments de démission, mais il y a quand même cette volonté, après avoir enduré tout ce qu'ils ont enduré, cette volonté d'en sortir, parce qu'ils sont conscients qu'ils ont encore de la force. Dernière question, en quoi la vision de la vie et de la mort change une fois qu'un otage recouvre la liberté? C'est-à-dire que ces repères qui sont nos repères, j'imagine qu'ils sont bien chamboulés. Ils sont les mêmes et en même temps ils sont très différents. Moi, ce qui m'a frappé chez les 7 personnes qui figurent dans le film, c'est qu'ils sont dans le vrai. Ils sont allés, si j'ose dire, dans le dur. Ils se connaissent eux-mêmes, donc ils sont authentiques. C'est-à-dire tout ce qui est... Ils veulent plus mentir, ils veulent plus tricher. Les compromis, les petites compromissions, enfin tout le jeu de la comédie humaine ne les intéresse plus. Ouais. Ils sont allés tellement loin dans la résilience que désormais ils veulent simplement vivre vraiment. C'était le comportement notamment de Jean-Paul Kaufmann, parce que on attendait beaucoup de sa parole, et c'est tout à fait honorable, ça le regarde. Il n'est pas rentré dans un mutisme, mais dans le processus, je crois, que vous décrivez, il me semble. Absolument, et il le fait avec beaucoup d'élégance. Bien, ce sera le mot de la fin. Michel Perard, merci infiniment pour vos éclairages. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le syndrome de Stockholm, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Bien sûr, rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Henri Bérec qui était à la technique aujourd'hui.